sombre vide. Une chambre noire. Que ravite de te revoir. Et le clic est mal arrête, tu vois, c'est quoi le thème, et vive avec les voisins.